Hey, I can't find nothing on the radio. La mécanique des ondes. Yo, turn to that station. Mécanique. La mécanique des ondes. La mécanique des ondes. Cécile Rondeau-Arnaud. 44e épisode de la mécanique des ondes sur fréquence protestante. On continue cette rentrée 2017 avec une femme au micro. C'est le moment autocritique de l'émission. Cela faisait beaucoup trop longtemps que je n'en avais pas reçu, alors je me rattrape en ce mois d'octobre en recevant une femme de radio. Comment la décrire autrement qu'une femme à paillettes, qu'une chamane du développement personnel, qu'une enregistreuse, si ça se dit, de jours de lessive? Comment la décrire autrement qu'un antidote? Bonjour Anne Cazobon. Bonjour Cécile. Alors tous les termes utilisés dans cette introduction, je rassure les auditeurs, font partie de votre parcours, de votre biographie. Vous allez bien sûr nous les expliquer. Avant cela, première question, vous êtes au micro d'une radio associative. Je voudrais vous demander si ça vous rappelle des souvenirs. Alors, radio associative, toute première expérience, juste en sortant d'école, j'avais travaillé dans une petite radio nantaise où j'ai fait beaucoup de reportages. Ça dépendait d'RCF, du réseau RCF, et j'avais fait beaucoup de reportages à Saint-Nazaire notamment, tout un été en prenant la voiture et en allant tourner autour de tous les festivals qu'il y avait en Loire-Atlantique. Oui, ça reste un bon moment avec des cassettes. Je pense que j'ai mes premiers reportages où on entendait mon nom et j'avais gardé ça comme trace. Alors, on reviendra peut-être sur cette première expérience. Avant cela, est-ce que la radio, vous avez toujours voulu en faire? Comment vous y êtes arrivée au final? Au final, oulala, c'est un long chemin. Je me suis d'abord longtemps tue. J'ai d'abord été une femme de silence parce que le premier souvenir que j'ai à 5 ans, c'est de me boucher les oreilles face à la mer et de me demander ce qu'un sourd entendait. Donc c'est plutôt la perte d'un sens qui m'a fait cheminer. C'est plutôt tout un chemin vers l'expression, vers l'élaboration, vers poser les mots, puis tendre un micro vers quelqu'un avant de le rapprocher de ma bouche et ensuite moi de m'exprimer. Mais c'est vraiment tout un chemin. À la maison, on écoutait beaucoup France Inter, on écoutait Europe 1, je me souviens, Rien à cirer, Laurent Ruquier ou Arthur même, et Les Pirates que j'aimais beaucoup. Mais c'est vrai que c'était plutôt le journalisme de manière générale. Je faisais des JT le soir, le dimanche soir, dans le salon avec mes frères et sœurs. Je m'improvisais Claire Chazal. Il faisait les jingles de la pub en dansant tout autour. Mais dans ma famille, ça passait pas très bien le fait que je veuille devenir journaliste radio. Donc c'est vraiment un désir profond que j'ai gardé à l'intérieur et que j'ai tué pendant très longtemps. Après le lycée, justement, vous gardez cette envie d'être journaliste et vous persévérez. Après le lycée, vous partez direct en école? Alors en fait, j'ai commencé à apprendre d'abord la langue des signes, puisqu'on était toujours dans cette dichotomie entre le silence, le son, la voix, l'expression. Donc à 14 ans, j'ai commencé à prendre des cours de langue des signes. Pourquoi? Alors il y avait personne de sourd dans ma famille, c'est une question qu'on me pose souvent. Il y avait vraiment aucune personne handicapée. En revanche, j'avais une grande sensibilité avec ce monde du handicap. J'étais bénévole dans une association pour enfants handicapés pendant des années, pendant près de 15 ans. Ce qui m'intéressait, c'était être ce pont entre le visible, l'invisible, ce que l'on entendait et ce que l'on n'entendait pas. Et vraiment, je me sentais très appelée par être une sorte de porte-voix, de porte-parole. Et donc, j'ai commencé à prendre ces cours de langue des signes dans l'école d'Emmanuel Laborie, qui était cette comédienne sourde, fille du professeur Laborie. Et donc, au fur et à mesure, comme ça, j'arrivais à me payer, c'est ça que ça coûtait 2000 francs à l'époque, donc c'était toutes mes heures de babysitting, de petits cours du soir, que je cumulais et que j'arrivais à m'offrir comme ça tout au long de mes années de collège, lycée. Et après une fac d'anglais, je me suis dit à la fin de ma maîtrise d'anglais, qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu veux être prof d'anglais, traductrice, ou est-ce que tu laisses vraiment émerger ce désir d'être journaliste? Et à l'époque, j'avais travaillé un peu pour TF1 le week-end. C'était via mes petits boulots d'étudiante. Et puis, je me suis dit, je vais tenter quand même ce DESS d'interprétariat en langue des signes, puisque je suis complètement bilingue. J'étais un peu perdue dans ma vie. Je me suis dit, s'ils me prennent, ça veut dire qu'ils ont vu que j'avais ça en moi. Ils prenaient 14 personnes sur toute la France. Il y avait un grand concours. Et puis finalement, ça a marché. Et je me souviendrai toute ma vie de ce coup de fil d'un ami qui m'a dit « Tu fais l'erreur de ta vie, tu vas aller te museler, tu vas aller mettre ce pavé sur ta langue et alors que t'as plein de choses à dire, qu'est-ce que tu fais ?» Et en fait, à ce moment-là, j'étais pas encore du tout très au clair de ce que je voulais faire de ma vie. Et je me suis dit « Ben, allons-y jusqu'au bout de l'expérience. » Ça a été une année compliquée pour moi parce que la langue des signes, on est d'abord filmé pour être corrigée. Et moi, j'arrivais, j'étais très fantasque. J'avais des t-shirts à couleurs, des bagues, des bijoux. Et au fur et à mesure de cette année-là, je me suis un peu éteinte. Je suis allée au plus profond de moi-même pour toucher ces endroits de silence, ces parts d'ombre, avant de vraiment me dire non, mais c'est pas possible. En fait, il faut que je parle, mais il faut pas que je parle pour autrui ou à la place d'autrui. J'ai des choses à dire. Et donc, mon premier métier, c'est interprète en langue des signes. J'ai été diplômée. Et juste après, j'ai enchaîné sur un troisième cycle en production, programmation et journalisme à Nantes. Donc une année d'études qui a été vraiment une introspection en fait. Ouais, complètement initiatique et qui m'a permis d'aller vraiment jusqu'au bout de l'impasse dans laquelle j'allais pieds et poings serrés et mâchoire serrée pour le coup, mais qui a été un grand enseignement pour moi, d'arrêter en tout cas de parler pour l'autre. Et cette entrée dans une école de journaliste, ça a été une révélation. Là, ça y est, on pouvait parler. Alors, on pouvait parler de ça. Moi, je rêvais, j'adorais Striptease, bien sûr, sur France 3, ces grands documentaires No Comment. Alors là encore, il n'y avait pas de voix off, donc on parlait pas, mais on laissait parler l'image. Et ouais, vraiment, j'aimais ça, le No Comment aussi d'Euronews. Et j'aimais la caméra. Moi, je voulais être JRI, je voulais partir avec ma caméra. Donc télévision, tout de suite. Tout de suite télévision, pas vraiment radio en fait. Et puis donc j'ai vraiment embarqué la caméra tous les week-ends. Dans ces écoles où on peut en effet aller faire plein de reportages. J'adorais le reportage un peu militant, social aussi. Donc j'ai passé mes week-ends auprès des glaneurs et des glaneuses de marché, auprès des petits frères des pauvres, des restos du cœur. Et puis en fait, on a un prof, Claude Brouillot, un prof de radio, qui au bout du deuxième semestre nous a fait passer derrière un micro et qui m'a dit « Alors toi, tu le sais pas encore, mais t'es faite pour la radio. Lâche la caméra et viens, on va te montrer. » Donc vos stages, vous les choisissez en radio ou quand même un petit peu de télé au départ ? Non, au départ, c'est vraiment radio. Et ce qui est drôle d'ailleurs, c'est que ce premier stage auquel je postule donc à Oui FM à l'époque, je me souviendrai toute ma vie, ce moment où je vais passer cet entretien, où donc j'ai un peu bachoté, j'ai lu tous les journaux, j'ai l'oreille greffée à France Info, voilà, en me disant on va me poser plein de questions, c'était pour intégrer la rédaction. Et le jour où j'y vais, donc à l'époque ils sont toujours d'ailleurs à Bastille, et dans le couloir du métro de Bastille, quelqu'un me tape sur l'épaule et c'était mon ancien prof de langue des signes, Victor Abou, qui a travaillé pour L'œil et la main, qui est la grande émission de langue des signes sur France Télévisions, et qui me dit « Mais qu'est-ce que tu fais ? Ça fait des années qu'on ne s'est pas vu. » Et là, je lui dis « Bah, je vais à un entretien pour travailler dans une radio. » Et là, il est complètement étonné, estomaqué, et un peu déçu presque, je sens dans son regard, et il se dit « Oh là là, elle a complètement changé de bord, quoi. Ça y est, elle est passée du côté des entendants, et je sens que je deviens presque moins intéressante pour lui. » Et pour moi, il y a un vrai carrefour pour moi à ce moment-là. Oui, parce que c'est le passé qui vous rappelle et c'est le passé qui vous sonne. Qui vous sonne et qui me dit « T'es sûr vraiment de ton choix ? Là, vraiment, tu vas vers l'expression pleinement de ce que tu es. » Et oui, j'y allais. Et cet entretien à OuiFM, il se passe super bien. Et vous rentrez donc... Enfin, le stage est accepté. Stage est accepté. Et puis, c'est vrai que ça va ouvrir une très belle période où je vais passer 6-7 ans, je sais plus. 2003 à 2008. Voilà, c'est ça. 5 ans à OuiFM. Et ça reste une magnifique expérience. Alors d'abord humainement, parce que j'ai rencontré vraiment de très belles personnes qui sont encore aujourd'hui de très bons amis, des proches, des gens auxquels je dois beaucoup. Et puis, ça va être vraiment le prolongement de l'école de journalisme où je vais faire du reportage, des manifs, des chroniques culinaires, de la co-animation, des points circuits, des matinales. Ça va vraiment être un prolongement d'enseignement aussi pour moi, de vraiment se roder à tout un tas d'exercices que l'on peut retrouver dans toutes les radios. Alors Anne Cazobon, c'est le moment de la première pause musicale. Vous avez choisi quoi en premier ? Ah bah, Tori Amos, forcément Tori Amos, cette Pourquoi magnifique artiste. Et c'est la seule femme qui est capable de faire l'amour à deux pianos sur scène, d'abord. Et puis Tori Amos, c'est vraiment une de ces femmes que j'ai beaucoup écoutées dans les années 90, que j'ai revue récemment, qui est passée au Grand Rex. Et vraiment, comme je fais un peu de piano, voilà, j'ai beaucoup travaillé certains de ses morceaux. Et puis j'ai choisi Silent All These Years, parce qu'elle aussi, elle a été silencieuse pendant un certain nombre d'années. Excuse me, but can I be you for a while? My dog won't bite if you sit real still. I got the Antichrist in the kitchen yelling at me again. Yeah, I can hear. Been saved again by the garbage truck. I got something to say, you know, but nothing comes. Yes, I know what you think of me. You never shut up. Yeah, I can hear that. But what if I'm a mermaid in these jeans of his with her name still on it? But I don't care, 'cause sometimes I said sometimes I hear my voice and it's been here silent all these years. So you found a girl who thinks really deep thoughts. What's so amazing about really deep thoughts? Boy, you best pray that I bleed real soon. How's that thought for you? My screen got lost in a paper cup. Do you think there's a heaven where some screams have gone? I got 25 bucks and a cracker. Do you think it's enough to get us there? 'Cause what if I'm a mermaid in these jeans of his with her name still on it? But I don't care, 'cause sometimes I said sometimes I hear my voice and it's been here silent all these years. Go by, will I still be waiting for somebody else to understand? Years go by. Let's hear what you think of me now. But baby, don't look up. The sky is falling. Your mother shows up in a nasty dress. And it's your turn now to stand where I stand. Everybody looking at you. You take hold of my hand. Yeah, I can hear them. But what if I'm a mermaid in these jeans of yours with her name still on it? But I don't care, 'cause sometimes I said sometimes I hear my voice. I hear my voice. I hear my voice. And it's been here silent all these years. Silent All These Years de Tori Amos, c'est le choix de Anne Cazebon. C'était sa première pause musicale. Anne Cazebon, on vous a laissé à WeFM. Alors c'est votre premier stage radio, comme vous disiez. Effectivement, vous y êtes resté quand même 5 ans en tout. Mmh. Donc ça veut dire que c'est parti en dehors du stage. Mais c'était un stage de première année ou c'était un stage de fin d'études? C'était le stage de fin d'études. Ouais, le stage de fin d'études pendant 3 mois où on faisait des reportages pour le Journal de Paris. Donc c'est vrai qu'on couvrait toute l'actu parisienne. Musicale, culturelle, sociale aussi. Et puis ensuite, ça a débouché sur des CDD qui se sont prolongés. Et puis, il y a eu de la matinale, il y a eu des réveils au milieu de la nuit. Il y a eu beaucoup de café, quelques litres de jus d'orange et quelques nuits courtes. WeFM, c'était la période avant le rachat d'Arthur. On sait qu'il y avait une ambiance peut-être un peu plus familiale avant ce rachat. Comment vous le qualifieriez? Alors, moi, en effet, je suis partie de WeFM au moment où Arthur a racheté acheté cette radio-là parce que voilà, j'avais d'autres aspirations. Mais c'est vrai que ces années-là restent vraiment absolument superbes en termes de concerts privés, de... Enfin voilà, moi je sais pas, on a fait des émissions avec Ben Harper, avec Radiohead, avec Muse, avec... J'ai couvert des festivals aux États-Unis. Enfin, c'était assez génial de réussir à conjuguer passion musicale. Voilà, on est dans sa vingtaine. Il y a quand même des semaines où j'allais à quasiment tous les soirs un concert aux quatre coins de la capitale pour couvrir des événements musicaux. Et au final, c'est la culture qui vous a attrapé, on va dire. Ça aurait pu être voilà, l'actualité, la politique, etc. Mais au final, c'est la culture et ça vous a plu. La culture et puis pas mal d'autres choses parce que j'ai fait du flash qui reste un exercice a priori incontournable en radio. Voilà, de la dépêche, de la chronique un peu plus avec un peu d'humeur. Le point circuit aussi, on apprend plein de choses quand on fait les points route. Hein, vous roulez en accordéon sur le périphérique extérieur de la porte de Saint-Ouen à la porte de Bercy. C'est toujours intéressant de savoir lire une carte. Il y a eu plein de choses comme ça. Je trouve que vraiment, on peut travailler une fluidité, des moments d'antenne. Et au début, c'était quand même pas simple. Hein. Je dois dire qu'il y a plein de fois où j'allais respirer un bon coup dans les toilettes avant de retourner derrière le micro. J'avais l'impression que j'étais nullissime. C'est bien, on travaille l'estime de soi, la confiance aussi. Pourquoi ça se termine en 2008 ? Parce que je suis fatiguée à cette époque-là. Et puis que je sens qu'il va falloir faire autre chose, qu'il va falloir sortir de ce rythme vraiment qui était celui des matinales, qui pour moi devenait compliqué. En termes de santé aussi, mon médecin me disait que là, il allait falloir se calmer. Je travaillais à côté pour Trace TV aussi. Donc j'avais déjà commencé à chasser d'autres lièvres. Et puis je suis devenue freelance du coup. Donc j'ai démissionné à l'époque quand même. Nicolas Sarkozy n'avait pas encore fait passer la rupture conventionnelle, donc j'ai démissionné avec un immense saut dans le vide, un plongeon sans ACDIC, sans rien. Donc ça a été une année où je n'ai dormi que sur une oreille, en lançant vraiment des projets à droite à gauche. Et c'est vrai que ça m'a forgé une force de caractère, mine de rien, d'être force de proposition et qui m'a aidée ensuite. C'est moi, je suis ni meilleure ni moins bonne qu'une autre. Je n'ai ni une meilleure voix ni une moins bonne qu'une autre. Mais en revanche, j'ai très vite compris que c'était les idées et la force des propositions, l'originalité des sujets qui allaient faire la différence. Et donc, en permanence, essayer de proposer à cet organe de presse-là, à cette boîte de prod, à cette radio, des choses un peu différentes. Et j'ai compris aussi que plus on se rapprochait de qui on était vraiment, plus on serait légitime et cohérente dans ses propositions de sujets. Alors vous proposez quoi comme sujet à droite et à gauche ? Bah c'est là qu'intervient Jour de lessive notamment, puisque donc après j'arriverai à Radio France. Mais c'est vrai que j'aimais bien tout essayer de sortir un peu du la chronique ciné, la chronique culinaire, et j'aimais bien des petits concepts un peu différents. Donc il y avait Au dernier rang qui était aller enregistrer un événement depuis le dernier rang. J'avais une grande passion pour les lavomatiques, donc j'ai promené mon micro dans les laveries de la capitale pendant un certain temps pour essayer d'interviewer les gens au moment où ils lavaient leur linge sale, parce qu'on ne lave bien son linge sale qu'en famille, c'est bien connu. Ce qui était un calvaire à monter, hein, parce qu'en effet, quand il y a une essoreuse, l'essorage qui se lance et que la personne commence à vous parler, c'est terrible. Mais j'ai fait des rencontres absolument magnifiques. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? Je me suis promenée, j'ai beaucoup voyagé aussi en Europe avec un micro à la main. Donc j'avais fait des carnets de voyage aussi, qui avaient été sélectionnés pour une émission qui s'appelait Au détour du monde, sur France Inter. Voilà, plein de petites choses en fait qui permettaient d'avoir comme un petit potager de projets. Et ça, j'ai toujours trouvé ça très gratifiant. Et puis pour moi, c'était vraiment un petit laboratoire comme ça de créativité pour moi, qui me permettait d'aller dire oui, je sais faire du flash, oui, je sais faire une revue de presse, mais il y a ça aussi. Et puis donc, ouais, Radio France, c'est 2011. Donc voilà, entre 2008 et 2011, vous avez proposé vos projets à droite, à gauche, etc. Et Radio France, donc vous y êtes resté de 2011 à 2014. On va pas se cacher, c'est à ce moment-là qu'on s'est rencontrés sur cette matinale du Move, ex le Move. Pourquoi vous rentrez à Radio France et comment ? Ben c'est le rêve. Non mais Radio France, ça fait des années que j'envoie des candidatures. Et à un moment, ça marche. Que je cherche le digicode de la porte B, la porte C, la porte A. Je tente de poser des échelles partout pour arriver par la cheminée. Et à un moment donné, ça marche. Et c'est vrai qu'on a passé quand même quelques chouettes années au Move à cette époque-là. Pareil, un peu radio laboratoire, expérimental, où on sent que les micros sont ouverts pour tester des choses. Et c'est très agréable, vraiment, avant de s'entendre dire vas-y ta carte blanche oui super c'est voilà et où on, quand on n'est pas quelqu'un de très connu on a quand même sa place derrière le micro et on peut faire entendre justement tous ces gens que l'on n'entend jamais donc moi ça revenait nourrir des aspirations profondes pour moi aussi. Alors en partie je voudrais revenir sur parce que je vous ai cité dans l'introduction la chamane du développement personnel. Vous avez fait un reportage sur les chamans de Mongolie. Pourquoi ? Et ça s'est déroulé comment en fait cette proposition de reportage ? En fait, en marge de tout ce travail journalistique, j'ai un long chemin en développement personnel. Donc ça fait une quinzaine d'années que moi je me forme à tout un tas de techniques que je m'allonge sur des divans aussi pour justement enlever le développement personnel. C'est aussi le dépouillement personnel. On enlève comme ça les cuirasses que l'on a. Et puis pour éviter d'être toujours dans une forme de oiseau de mauvais augure qui vient distiller la mauvaise parole ou en tout cas toutes les horreurs du monde dans un micro, je sentais bien que ces micros-là aussi, cette diffusion qui était possible, ce rayonnement qui était possible, on pouvait y distiller des petites choses un peu plus pétillantes, un peu plus joyeuses, un peu plus lumineuses. Et je sens que tout ce parcours-là en développement personnel me permettait aussi de m'approcher de plus en plus de ma véritable voix intérieure, VOIE et VOIX. Et au fur et à mesure, il y a vraiment un chemin qui s'est fait comme ça entre des sujets comme les blessures visibles et invisibles. J'ai beaucoup travaillé pour la chaîne LCP pour le Journal de la Défense, donc là en vidéo. En tant que réalisatrice auprès des soldats, j'ai travaillé au Fort d'Ivry, qui est le CPAD, l'établissement de communication de production audiovisuelle de la Défense, où j'ai fait un certain nombre de reportages, un documentaire au Kosovo, à Percy, au Val-de-Grâce, vraiment auprès des soldats. Et en même temps, il fallait que moi aussi je découvre quelles étaient mes blessures visibles et invisibles pour pouvoir réparer un peu tout cela et ensuite arriver vers d'autres sujets de santé qui m'ont permis aussi de promener mon micro à la petite salpêtrière auprès des sages-femmes pendant une année. Au fur et à mesure que je me réparais à l'intérieur, eh bien j'arrivais à tendre mon micro vers des gens qui auprès desquels on était un peu plus sur la même longueur d'onde et aujourd'hui j'arrive un peu plus à parler de développement personnel derrière un micro. Donc on s'aligne de plus en plus. En fait, votre métier est une forme aussi de thérapie. Complètement. Le micro est une thérapie. Ah oui, s'en approcher, évidemment. Ouais, moi, c'est vraiment sur mon chemin. C'est se rapprocher au plus près du micro et au plus près de ce que l'on est. Et pas forcément parler pour quelqu'un d'autre. Il y a vraiment cette différence entre... je pense que plus on parle de soi au plus juste de soi et plus on partage son expérience, plus on touche les gens parce que pendant très longtemps, je ne savais pas ce que je voulais dire, je ne savais pas ce que j'avais à dire, mais ceux que j'entendais et qui étaient au plus près de ce qu'ils étaient, qui partageaient leurs souffrances, leur chemin, comment ils avaient transmuté les choses, à savoir comment ils avaient transformé la boue en or dans leur vie, comment ils s'étaient relevés d'un deuil, d'un licenciement, d'une dépression, d'un divorce, ça me parlait. Ça, dans le rebond de la vie, pour moi, la radio, là-dedans, je trouvais que ça avait un impact immense. Radio France, ça se termine en 2014. Pourquoi ? Avec la fin du MOOV ? Avec la fin du MOOV, exactement. Oui, ça se termine de cette manière-là. Une fin de contrat pas renouvelée. Alors, ça fait partie, ça aussi, c'est les à côté du métier, hein, où il faut de plus en plus se désaffecter au sens premier du terme. Hein. C'est vraiment savoir quelle est sa valeur profonde, éviter de l'associer au fait que l'on parle dans un micro pendant toute une année ou pas. Si on ne me choisit pas cette fois-là, ça n'est pas parce que je suis mauvaise. Ça aussi, ça fait partie du travail de confiance en soi et de développement personnel. Et puis, si à ce moment-là, pour l'instant, parce qu'il y a eu quand même des temps où j'ai pas trop travaillé en radio, comme on l'entend, hein, sur une antenne, ça me permettait, pendant ces temps-là, de travailler peut-être un peu plus sur moi, de comprendre quels étaient les blocages à cet endroit-là qui ne me permettaient pas de voir les choses s'aligner pour moi, à savoir d'avoir un message à faire passer derrière un micro et que tout se mette en place. Donc ça me permettait d'avoir des terrains peut-être un peu plus de documentaires, de travail au long cours et en même temps de travail pour moi en développement personnel à côté pour libérer ce qu'il y avait à libérer. Et oui, je veux quand même... on va d'abord passer la deuxième pause musicale. Oh oui. Qu'est-ce que c'est ? Alors c'est Camille, bien sûr, parce que Camille, pour moi, c'est l'artiste avec un grand A. C'est une femme chanteuse, évidemment, et c'est une femme qui, elle aussi, a pris... Elle a choisi que son corps serait son instrument de musique. Elle a fait avec ce qu'elle avait. C'est ce que je trouve très beau dans Camille. Camille est chamane. Hein. Camille, elle transforme la boue en or. Et Camille, elle ne mâche pas ses mots. Et ça me parle beaucoup. Je ne mâche pas mes mots. je ne mâche pas mes mots. S'il m'arrive d'être foudroyé par l'éclair au chocolat, très souvent je me raisonne avant de replonger mon doigt dans la marmelade aux pommes préparée a cappella sur le piano. Si la seule vue du miel suffit à clarifier ma voix, l'aspartame à mes mères n'édulcorera pas la colère de voir sous la princesse un petit poids. Avec je ne mâche pas mes mots, Anne Cazobon la qualifie donc de chamane. Vous me disiez hors antenne qu'elle a commencé à écrire un album après les attentats du 13 novembre et puis qu'elle a tout repris en fait. Juste après les attentats, en fait, elle a fait un album un peu contre la guerre, contre le mal. Et puis en fait, elle s'est dit mais non, c'est pas comme ça en fait qu'on combat le mal. C'est plutôt en faisant un album positif qui s'appelle Oui. Donc Oui, c'est le Oui bien sûr, et c'est le Oui à la vie. Et en fait, c'est moi je crois profondément en cela, c'est que ben, pour essayer de combattre la noirceur, on allume une bougie. Et c'est vraiment ce qu'elle fait, elle, avec sa musique. Il m'a été donné d'aller la voir en concert à la Cigale dernièrement, et c'est, elle atteint un état de grâce sur scène. C'est très simple, il y a des draps, il y a quelques lumières, et elle a cette voix qui sort d'elle, qui la dépasse absolument. C'est quelqu'un vraiment de fabuleux. Alors justement, vous parlez de positivité, et au-delà de la radio, Anne Cazobon, vous êtes aussi une artiste. Je parlais de paillettes dans l'introduction. Il arrive de temps en temps, lorsque Anne Cazobon passe quelque part, de retrouver quelques paillettes par terre ou dans des chaussures. Ça a été vécu par moi-même, donc je le certifie. Vous êtes également artiste, vous peignez, vous faites donc des performances également. Ça s'appelle l'art-thérapie. Oui, plus ou moins. C'est plus ou moins ça. En fait, en gros, en 2011, puisque donc mon chemin est vraiment autour de l'élaboration des mots, à un moment donné, je me suis retrouvée vraiment dans une impasse. Les mots ne sortaient plus sur certains sujets que je voulais aborder. Et j'ai comme ouvert à cet endroit-là une forme d'itinéraire bis pour moi, que j'ai appelé le sweet art. Donc, il y a vraiment quelque chose de gratuit, positif, doux et surtout à partager avec le plus grand nombre. Et donc, j'ai commencé à donner des petits mots aux gens dans le métro. J'en ai sorti des petits carnets qui s'appelle donc les textopolitains. C'était tout ce que vous avez toujours voulu dire à votre voisin de Strapontin sans jamais oser le formuler. Ben, on pouvait repasser par des petits SMS vintage, un peu comme ça, des petits mots en disant jolie cravate, vous êtes un couple inspirant, alors ce sudoku, comment ça se passe, voilà. Et puis au fur et à mesure, je me suis mise à... J'avais pris des espèces de feutres qui imitaient un rouge à lèvres et j'écrivais des phrases inspirantes pour des femmes dans les toilettes des bars et des restaurants de Paris pour qu'elles se... Quand elles se regardent dans le miroir, et Dieu sait quand on se regarde dans un miroir, miroir qu'on est quand même rarement tendre avec soi-même. Voilà, en écrivant des mots positifs, en écrivant « je suis un trésor » ou « ça n'est pas parce qu'elle est belle que je ne le suis pas ». Voilà, des choses un peu pour booster la confiance en soi quand on se regarde dans un miroir. Et puis, à un moment donné, il y avait ces bouches d'aération comme ça dans les rues de Paris. Et je me disais, il y a vraiment quelque chose à faire avec ça. C'est comme des poumons dans la ville qui respirent. Et je me disais, bah, ces bouches-là, elles réchauffent les sans-domicile fixe qui dorment dessus. Et elles soulèvent les jupes des femmes qui se laissent un peu surprendre. Et j'avais vraiment envie de... Il y a l'énergie qui en ressort. Ouais, je me disais, oh, il y a un truc à faire de joli, mais je ne sais pas quoi. Et en fait, je suis allée voir une pièce de théâtre au théâtre Sylvia de Montfort sur le syndrome post-traumatique, qui est vraiment l'un de mes sujets sur lesquels j'ai beaucoup travaillé. Et à l'issue de cette pièce de théâtre où c'était le retour de guerre du soldat qui rentre et qui est complètement torturé, tourmenté par tout ce qu'il a vu. Et à la fin de la pièce de théâtre, normalement, le soldat trucidait toute sa famille. Et ce jour-là, le metteur en scène, plutôt que de distiller de la fausse hémoglobine sur scène, pour la jouer un peu théâtre d'avant-garde, avait choisi de prendre deux gros ventilateurs et d'envoyer des confettis rouges comme ça partout dans la pièce. Alors là, moi, il y a une porte qui s'est ouverte complètement dans mon cœur. Je me suis dit, mais c'est ça en fait. Il a complètement compris. Il faut transformer l'horreur absolue, la barbarie, en quelque chose de très lumineux, positif. Et du coup, je me suis mise en quête de trouver donc au début des confettis pailletés, et puis après j'ai cherché quelque chose de bien plus biodégradable et de complètement irréprochable pour pouvoir le faire de manière vraiment immense, très grande, et j'ai trouvé des confettis entièrement ignifugés qui donc que je fais s'envoler au-dessus des bouches d'aération du métro ou au-dessus des parkings, des piscines, donc en faisant des espèces d'immenses libérations de cœurs, de papillons dans Paris, et voilà, qui font des grandes envolées. J'appelle ça le Flying Project, et c'est vrai que c'est un projet qui a pris une autre dimension après les attentats du 13 novembre. Alors, je rappelle aux auditeurs que vous pouvez aller voir donc des vidéos, des performances artistiques d'Anne Cazobon. Il y a plein de vidéos, puisqu'évidemment, les gens, les enfants adorent ces performances. Et, vous en avez prévu, là, d'ici peu de temps? Alors, pas prochainement, mais il faut se tenir informé sur les réseaux sociaux. Après, justement, les attentats du 13 novembre, qu'est-ce qui s'est passé, justement? En fait, il m'a été donné de croiser les terroristes du Bataclan dans le métro la veille des attentats, donc je ne le savais pas encore, mais moi je dessine les gens dans le métro, je distribue comme ça les petits portraits que je croque dans le métro, et donc j'ai croisé les terroristes. Je ne l'ai compris que quelques jours après. J'ai appelé la brigade anticriminelle pour témoigner de cela, puisque j'avais des informations qui pouvaient leur servir. Et donc, quelques jours après les attentats, une fois que j'ai pu parler et que j'ai pu dire ce que j'avais à dire, donc lâcher cette information qui était pour moi terrible, qui était, j'avais presque rencontré ma propre terreur en fait dans le métro en croisant les terroristes. J'ai eu très envie de vite transformer ça, vite transmuter ça, et donc j'ai pris une de mes toiles que j'ai enroulée d'un papier sur lequel j'ai écrit haut les cœurs. J'ai pris un énorme sac de confettis de cœurs et je suis allée m'installer sur la place de la République et j'ai commencé à distiller les cœurs comme ça au-dessus de la bouche d'aération qui donc les cœurs ont commencé à s'envoler. Et ce jour-là, je sais pas ce qui s'est passé. En fait, toute la colonne d'air est allée envoyer tous ces cœurs là devant le Bataclan, quelques centaines de mètres un peu plus loin. Et les gens qui se recueillaient devant le Bataclan, qui priaient devant des bougies et des bouquets de fleurs, sont tous remontés à la source, donc en fait à République, en voyant tous ces cœurs leur arriver dessus. Et j'ai commencé toute seule et on a terminé, on était plusieurs centaines. Les gens venaient me confier leurs enfants en me disant « il faut que ma fille voit quelque chose de joli aujourd'hui ». Les musulmans venaient m'embrasser en me disant « je suis désolée, c'est pas de notre faute ». Enfin, vraiment, il s'est passé quelque chose d'immense qui m'a complètement dépassée. Moi, j'avais juste une bonne idée, à savoir, ça souffle, on jette des confettis et ça s'envole. C'est l'idée la plus simple de la planète. Mais en revanche, je sentais qu'il y avait quelque chose, il y avait un grand besoin et un grand vide à cet endroit-là. Et du coup, j'ai lancé toute une série de performances. Alors, le terme est un peu pompeux. Du coup, moi, j'appelle ça des happenings. Voilà, c'est plus joli. Et voilà. Donc, j'en ai fait à l'issue d'événements un peu tristes, hein, comme l'attentat de Nice où, malheureusement, l'horreur s'est perpétuée. Mais aussi pour des jolis moments, que ce soit la Saint-Valentin ou même le 1er janvier où j'ai invité les Parisiens à venir écrire sur des étoiles les intentions qu'il portait pour cette nouvelle année et à venir les envoyer avec moi dans le ciel. Alors, c'est un excellent pont pour votre poste actuel, Anne Cazobon, parce que le temps file. Vous êtes l'antidote d'Europe 1, je l'ai dit dans l'introduction, et en même temps, voilà, ça vous définit complètement. Je sais qu'Europe 1, donc ça fait plusieurs années, hein, vous avez effectivement, après Radio France, vous avez donc pris contact avec Europe 1, d'abord des chroniques le matin avec Jean-Marc Morandini, qui n'est plus donc sur cette antenne aujourd'hui. Autour de la santé. Autour de la santé, et donc aujourd'hui, vous avez pu parler de développement personnel tous les jours, en plus, dans une chronique. Tous les jours à 15h55, oui, ça s'appelle donc Antidote. Ce sont 3 minutes 30 autour du développement personnel, où j'y distille aussi un peu de mon expérience, parce que le développement personnel, aujourd'hui, ça vous a pas échappé, il y en a partout. Il y a un peu à boire et à manger aussi. Et puis le développement personnel, ça peut être pompeux, ça peut être un peu cuicui, les petits oiseaux, bisounours, alors qu'en fait, fondamentalement, quand on l'a expérimenté, ça peut être très douloureux aussi, c'est pas simple, ça va être long surtout, c'est ça qu'il faut entendre. Et puis ça peut passer par des livres bien sûr, des petits conseils, mais aussi des stages, la thérapie aussi souvent. Moi c'est quelque chose qui a changé ma vie, qui a sauvé ma vie. Je vois à quel point ça bouleverse aussi la vie des gens qui m'entourent et qui passent par ce chemin-là. Et donc c'est magnifique d'avoir un micro pour pouvoir distiller voilà quelques petits préceptes, ce sont des petites graines à distiller dans les esprits de chacun, mais c'est vrai que ça peut ouvrir beaucoup de choses pour la pleine réalisation de ses potentiels surtout. Et puis cet été vous avez remplacé en partie donc Caroline Dublanche et Sophie Peters dans la libre antenne d'Europe 1. Là, on est confronté à des auditeurs en direct, c'était quoi du coup ce retour d'expérience ? Alors je dirais que c'est l'une des expériences radiophoniques les plus fortes de ma vie parce que c'est donc 2 heures en direct où vous ne savez absolument pas de quoi on va parler. C'est vraiment la place, alors pour le coup, ça s'appelle la libre antenne, et vraiment où la parole est libre et où on garde les auditeurs à l'antenne une demi-heure, parfois 40 minutes. Donc on a le temps vraiment de rentrer dans les histoires des gens, de les écouter. Ce que je trouve très beau, alors parfois il y a des témoignages très lourds, mais ce que je trouve très beau, c'est ensuite de voir à quel point une histoire très sombre, très lourde, peut générer beaucoup d'empathie et de compassion des auditeurs qui du coup peuvent envoyer des messages et où on peut être aussi passeuse là-dedans de petits conseils que voilà que nous on a expérimenté à titre personnel, mais aussi de se faire le pont, justement, ce fameux pont auprès des auditeurs en relayant les messages, les conseils, celui qui dit « Ah ben moi aussi j'ai vu ça, moi aussi je l'ai expérimenté, moi j'avais essayé ça, ça m'a aidé. » Voilà, mais ça reste une expérience assez incroyable où en effet, moi, les premières émissions, je m'accrochais un peu au bord de la piscine et à un moment donné, il a fallu aller mettre la tête sous l'eau et y aller vraiment pleinement. Les projets, vous en avez en cours, proposés à la nouvelle direction d'Europe 1, est-ce que vous allez... Je ne demande pas le scoop. Non, mais le développement personnel, c'est vrai que c'est vraiment quelque chose auquel je crois profondément, qu'il y a des intervenants absolument fabuleux qui expriment très bien ce qu'ils font, qui peuvent le partager. Il y en a d'autres moins connus qui peuvent aussi raconter beaucoup de choses très simples à mettre en place dans sa vie. Alors 3 minutes 30, c'est vrai que ce serait bien de pousser un peu plus loin et d'avoir des vrais rendez-vous un peu plus longs et un peu où on pourrait prendre le temps vraiment de savoir comment pleinement se réaliser dans sa vie. Ouais. Bah rendez-vous l'année prochaine en fait, parce que là ça va être pour cette année, c'est Antidote, et puis on verra l'année prochaine. Oui. La mécanique des ondes. Anne Cazobon, les invités posent des questions, les invités suivants. Là, c'est le directeur de Crooner Radio, Jean-Baptiste Tuzet, qui vous pose une question. Anne Cazobon, bonjour. Voici ma question. Alors d'abord, je voudrais vous dire que je suis un auditeur d'Europe 1, le matin essentiellement. Et en plus, notre ami Frédéric Schlesinger a rejoint les rangs. Je crois qu'il est un peu chez lui là-bas. Et la seule question que j'ai à vous poser, pour qu'une radio soit une radio efficiente et performante, il faut qu'elle ait intérieurement, intrinsèquement, une bonne ambiance. Alors, y a-t-il, Anne Cazobon, moi je suis auditeur, je voudrais savoir, y a-t-il une bonne ambiance dans vos murs ? Alors oui, il y a une bonne ambiance. Et je trouve, au-delà de la bonne ambiance, il y a un nouveau souffle, vraiment, depuis cette rentrée. Moi, j'y étais comme ça, un peu en remplacement, depuis 2 ans maintenant, à travailler l'été, avec des horaires un peu décalés, donc sans vraiment vivre pleinement à l'année longue là-bas. En revanche, vraiment, ce que je peux vraiment garantir et et remarqué, c'est qu'il y a un vrai nouveau souffle. Là, en cette rentrée, il y a d'abord beaucoup de nouvelles têtes, mais il y a un bel engouement où les gens rentrent dans les studios pour écouter l'émission du voisin, de ce qu'il fait. Tout le monde écoute ses nouveaux programmes, et vient faire des retours. On entend « Ah tiens, je vous ai écouté ce week-end », etc. Il y a vraiment quelque chose qui se passe, en tout cas qui est intéressant. On verra ce que ça donnera. Anne Cazet-Bon, on va terminer cette émission avec le questionnaire rapide habituel de l'émission. Une personnalité de radio qui pourrait être votre modèle? Chris. Quelle radio résumerait votre enfance et votre adolescence? Fun Radio. Max, la libre antenne, bien sûr. On est beaucoup dans ce cas-là. Quelle radio vous réveille le matin? Europe 1. Quelle radio vous endort le soir? Europe 1. Un endroit où vous écoutez toujours la radio? Mon lit. C'est vrai. Un endroit où vous ne l'écoutez jamais? La rue. Votre meilleur souvenir de radio, s'il n'y en a qu'un seul à retenir? Un des meilleurs. Je dirais que ça doit être quand même une des rencontres musicales à OuiFM, là vraiment où je sais pas, moi j'avais toujours l'impression que c'était des stars immenses. Ben Harper dans un studio quand il rentre, enfin je sais pas, moi j'ai traduit en interview quand il était venu, et bon, je parle anglais, et donc j'ai fait une traduction comme ça de 2 heures de Ben Harper en studio. Iggy Pop aussi, je sais pas, et quand il s'assoit à côté de vous et que vous allez faire la voix en français de Iggy Pop, je sais pas, je trouve ça absolument fabuleux, enfin, c'était un peu surréaliste. Et le pire souvenir? Le pire souvenir, je pense que c'est mon premier flash info. Ça, je pense que c'était absolument. Mais c'était chouette parce que c'était à OuiFM et en fait, il y avait toute la rédaction. Voilà, c'est vraiment. À l'époque, c'était vraiment une petite famille et ils étaient tous derrière le studio à attendre, à écouter. J'ai dû bafouiller une ou deux fois et quand je suis sortie du studio, voilà, ils m'ont applaudi, ils étaient contents et c'est vrai que ça reste le premier, quoi. Un conseil à donner à quelqu'un qui veut faire de la radio? Alors, moi, j'ai pas fait les fameuses écoles, Sciences Po, tout ça, l'ESJ, j'avais tenté les concours. Et en fait, à l'issue de cela, j'ai rencontré beaucoup de directeurs de rédaction qui m'ont, auxquels je disais, j'ai pas fait les écoles. Ils me disaient, ah, super, alors tu m'intéresses. Tu vas pas me pondre la même brève que tout le monde. Tu sors des sentiers battus. J'adore les itinéraires bis. Alors vraiment, ça, c'est le meilleur conseil que je puisse donner, c'est mettez votre ADN dans tout ce que vous faites. Ah, c'est très très beau pour finir cette émission, Anne Cazet-Bon. Merci beaucoup. On vous retrouve tous les après-midi. Rappelez-moi le nom de l'émission. Alors, l'émission s'appelle La vie devant soi. J'y suis donc à 15h55. Et puis, je suis aussi le dimanche matin à 8h40 dans la matinale de Wendy Bouchard. Merci beaucoup, Anne Cazet-Bon. Merci à vous.